faut un bon capital, tu dors à Dubaï. Je m'en bats les couilles que tu fasses la crise. Il faut un vaillant pour gérer tout le bail. Garde ton carré, mec, la loge d'artiste. J'aime les bonnes choses, mais je suis simple. J'ai pris des pétards au cas où ça brille. Y'a de la bave et des steaks. Premier dans le crime de mon âge dans ma ville. Faut que je détaille les steaks en or. Je vois tanger des steponos. Ils disent que ça pète à mort, mais on bosse. Gros, t'es mal et son qui passe. On est carrière depuis le stunt. Je laisse pas passer, mais j'étouffe. Que des trois points, c'est mort. Hein, Hassel, on est dans le coup. Je suis avec Raya, je suis pète. Je compte plus à combien j'ai prêté. Cagoulé pour faire le TP. Lamborghini dans la casse. Je suis avec Raya, je suis pète. Je compte plus à combien j'ai prêté. Cagoulé pour faire le TP. Lamborghini dans la casse, t'es là. Lamborghini dans la casse, t'es là. Lamborghini dans la casse, t'es là. Lamborghini dans la casse, t'es là. Lamborghini dans la casse, t'es là. J'suis avec Raya, j'suis pété. J'compte plus à combien j'ai prêté. Cagoulé pour faire le TP. Lamborghini dans la casse. J'suis avec Raya, j'suis pété. J'compte plus à combien j'ai prêté. Cagoulé pour faire le TP. Lamborghini dans la casse. Sur le terrain, on fait pas de grève. Car les ennemis ne font pas de trêve. Je n'ai pas de cœur, j'attends pas de grève. Je vais partout, j'étais par terre. Y'a que les saints qui m'ont soutenu. Partenaire de la vie, même si j'suis détenu. Trahir les siens, c'est un déshonneur. Ceux qui l'ont fait sont partis, mais pas revenus. J'ai le sang froid comme ice cream. Stopper l'école, j'ai le back cream. Ça détaille les plaques sur du lac cream. Rester fidèle, ça n'a pas de prix. Gauche droite comme Tyson Holyfield. Plus une fine technique, c'est le haut level. Papier d'oseille pour les holidays. Plein de C4 pour les ennemis. Je suis avec qui si je suis pété. Je compte plus à combien j'ai prêté. Cagoulé pour faire les TP. Lamborghini dans la casse. Je suis avec Uzi, je suis pété. Je compte plus à combien j'ai prêté. Cagoulé pour faire les TP. Lamborghini dans la casse. Lamborghini dans la Castella. Lamborghini dans la Castella. Lamborghini dans la Castella. Lamborghini dans la Castella. Je suis avec Uzi, je suis pété. Je compte plus à combien j'ai prêté.